Vous êtes à la seule émission où vous pouvez vous permettre de monter le volume et de humer la différence, car pendant 2 heures, on va décoller. C'est parti, mon kiki! Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL le 89.1 à Québec, la plus vieille radio communautaire francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bintumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Reynald Gagné! 6 feet underground, we move backwards now, at the speed of sound, we are nowhere now. Too much time to kill, too much wasted too much everything. There's no need to think. Here above the clouds, I am free of all the crowds, and I float above the stars, and I feel the rush of love. Looking down at earth, it is luminous, observe. But we never learn. tired of weakness, tired of my feet of clay. I'm tired of days to come, I'm tired of yesterday. And all the worn out things that I ever said, now it's much too late, the words stay in my head. Comfort from me, it's up to you now. You're still here and you're digging again. That's comfort to you, it's up to you now. So Facebook, tired of my failing health, I'm tired of everyone, and that includes myself. We're being alone now, it doesn't bother me, but not knowing if you are, well that's been hell you see. Steven Wilson. Je tiens à vous dire que je l'ai vu à l'Olympia le 7 juillet 2018, donc il n'y a pas si longtemps. Et c'était mon dernier spectacle. Le lendemain, je retournais à Québec. Et je vais vous raconter la petite histoire, car ça vaut la peine, me semble. J'apprenais quelques heures avant le spectacle que ma mère était décédée et elle venait de mourir là. Et je savais pas si je devais aller voir le spectacle, si je devais continuer à faire mes rencontres. J'en ai parlé il y a quelques semaines. Et je voulais pas décevoir les artistes qui m'avaient fait confiance, donc j'ai dit oui, on continue. Et le spectacle continue, comme le chante Beko. Donc, le spectacle, après, j'ai dit, est-ce que je vais voir Steven Wilson? J'ai dit, ah oui, oui, oui, oui, oui. ça a été extrêmement émotif parce que, de un, c'est quand même assez spécial. Je connais pas la langue anglaise. Je maîtrise pas la langue anglaise du tout. Et j'ai vu trois concerts. Mais Mélodie Gardot, elle parlait en français. Elle chantait en anglais, mais elle parlait en français. Elle a fait deux ou trois chansons en français. Et Jack White. Jack White, je vous en ai parlé aussi, du groupe Les White Stripes, 100% anglophone. Donc, mais t'es pas obligé de comprendre l'anglais. Tu peux aller voir un concert asiatique. Tu peux aller voir... je vais aller voir Tony Bennett. La musique est universel. Comme le cinéma. T'es pas obligé de lire, d'avoir le film sous-titré. L'intérêt est de se laisser imbiber par l'image. Une image vaut mille mots. Le dialogue est tout aussi intéressant parce qu'un film italien, ça parle très rapidement. Sauf dans des films muets. Avez-vous vu un film muet italien? Eh, monsieur! Tu clignes pas des yeux parce que t'en perds trois bouts. Hein? Tu perds tout le fil de l'histoire si tu clignes d'un œil. Oh non, qu'est-ce qui s'est passé? Ben voyons donc, tu savais pas que Georgette s'est mariée avec Toulon? Toulon? Ben oui, qui l'avait rencontré dans la banlieue de Québec. Oui, c'est un film franco-italien. Non, il est québéco-italien, c'est pas franco, québéco-italien. Quand tu as cliqué de l'œil, il venait de l'embrasser, de lui faire trois enfants, de lui promettre de vivre avec elle jusqu'à la fin de ses jours, et surtout, c'est là, tu n'aurais jamais dû cligner des yeux. Il lui a promis de ne jamais commettre l'adultère. Je l'ai vu, moi. Il l'a dit, non, mais oui, mais... Il disait, le monsieur, tantôt, là, monsieur, pouvez-vous... Oui. Minimage ou mimo. Bon, hein, minimum ou mimo, c'est pas ça qu'il a dit. Non, mais non, une image vaut mille mots. C'est ça qu'il a dit le monsieur. Une image vaut mille mots. Mais quand c'est un film muet en italien, attachez vos yeux. Faites comme dans Stanley Kubrick, Orange Mécanique. Placez c'est-tu des cure-dents qu'il avait mis? Hein, je pense que c'est des cure-dents. Tu sais, quand il visionnait tous ces problèmes psychologiques aux jeunes, là, puis ils mettaient des gouttes pour pas que ça s'assèche. La Gestapo, je le fais encore aujourd'hui! Mesdames et messieurs, la Gestapo, ça existe encore! On m'a dit de pas en parler si je voulais continuer à vivre, et surtout à vous parler. Parce que si je vis plus, on m'a dit que je parlerai plus. C'est assez fou, ça! Arriver à une conclusion aussi tardive, vous le savez pas! Je pourrais être le premier à parler après ma mort! Vous êtes des imbéciles, tous les services de plus secrets que ça, là. Oui, j'ai connu Yolande Laforêt. Yolande Laforêt, qui se disait, bien sûr, ça c'est une couverture. Il faisait chaud, je dis, enlève ta couverture, toi, tu vas crever de chaleur. Elle dit, ah non, moi, je suis la couverture. Ben oui, mais lâche-la ta couverture! Tu te prends pour Peanut! Peanut, c'est quoi, non? Dans Squiddy Diddly? Non, Peanut, c'est dans Sesame Street. Tu sais, la petite bébite, là, puis l'autre qui joue du piano, là. C'est pas ma génération, ces affaires-là. Mais encore là, je dis souvent aux jeunes. Moi, je fais des séminaires, moi, pour les jeunes. Dans ma tête, là, je leur dis. Dites pas que vous le savez pas parce que vous avez pas l'âge. Ah non, ils vont leur dire. Oui, je leur dis. Rimbaud disait. Deux points, ouvrez les guillemets, ouvre-la les guillemets. Gaétan, plus fort que ça. Plus ouvre-la, c'est pas en métal, ça c'est des guillemets en styrofong. Styrofong. En pâte dentaire, tu casses, c'est ce que tu veux, ouvre-la tes guillemets. Il disait, j'ai 18 ans et je dois tout savoir. Donc, ne cachez pas votre idiotie parce que vous êtes trop, parce que vous imaginez être trop jeune. À 18 ans, vous devez tout savoir. Après, vous régressez. Après, à 19 ans, là, oh mon, ça va moins bien. Là. Hey, à 20 ans, hop, hop, hop, hop, hop. Et puis à 40, c'est fini. T'es aux couches. Tu joues dans ta couche. Quoi, t'as déjà commencé, là, quand t'étais plus jeune? T'allais manger dans les magasins, non, dans les restaurants rapides. Tu commençais déjà, là, à tremper sans le savoir, là, hein? La même senteur, le même goût. Ouais, monsieur! Puis comme le fait, ah, j'en ai parlé, c'est vrai, en 2018, avec un artiste, une chanteuse, en tout cas une créatrice, une comédienne ou un comédien. Non, je crois que c'est une femme. Parce que je m'ouvre plus facilement à une femme. Ah, c'est comme ça. Et donc, ouais, non, mais je vais revenir à vous parler après ça de mon... Faudrait que je fasse de la musculation de la langue, quoique la fin de semaine, pas mal là-dessus, voilà, là, musculation de la langue. Oh, j'arrête pas, en haut, à droite, à gauche, Je fonctionne au son, moi, et quand ça fait, je continue, Mais là, c'est pas ça l'histoire. L'histoire, c'est qu'on va-tu la raconter? Non, je peux. Bon, Joséphine, c'est une recrue, Joséphine. Non, je l'ai pris dans une maison de repos. Elle voulait plus se reposer. Elle a dit, puis c'est pas parce que j'ai 82 ans que je vais m'arrêter de vivre. J'ai dit, Joséphine, t'as bien raison. Viens dans mon clan, viens à l'errance canadienne. Ce n'est pas une religion. N'ayez point peur. Est-ce que je peux vous tutoyer? Elle voulait que je la tutoie déjà là au départ. Elle dit, vous avez presque le même âge que moi. Il dit, qu'est-ce qu'il vous fait dire ça, là? Non, mais vous parlez de Damia, hein, de ces chanteuses naturalistes de l'époque qui chantaient, là. Puis c'est pas Damia qui chantait ça. Est-ce que c'est la Java? Ben oui, c'est la Java. Pas la Java que j'ai chantée la semaine dernière. Non, je l'ai-tu gardé, celle-là? Pas sûr, mais. On a-tu mis ça dans nos archives ou on a. Ouais. Attends un peu. La Java bleue. Ça va bien, vous autres? Grosse semaine. Un début de semaine bientôt, là, hein? Ben, bientôt, presque ça. Et puis... Ah oh non, c'est Fréhel. Ben oui, c'est Fréhel. La Java bleue de Fréhel. Et qui se... Hein, Partinour aussi? Ben voyons donc. OK, on y va. On y va avec ça. OK. La Java bleue. C'est la Java bleue, la Java la plus belle, celle qui ensorcelle et que l'on danse les yeux dans les yeux, au rythme joyeux, quand les corps se confondent comme elle au... Comme elle au monde. Comme elle au monde, il n'y en a pas deux. C'est la Java bleue. Il est au bal de musette, un rempli de douceur qui fait tourner les têtes, qui fait chavirer les cœurs. T'as pas le rythme, c'est pas grave. Le monde ne la connaisse pas. Tandis que l'on glisse d'un petit pas, serrant celui, celle qu'on aime dans ses bras, tout bas l'on dit dans un frisson, en écoutant jouer l'accordéon. Un, deux, trois, c'est la Java bleue, la Java la plus belle, celle qui ensorcelle et que l'on danse les yeux dans les yeux, au rythme joyeux, quand les corps se confondent comme elle au monde. Comme elle au monde, il n'y en a pas deux. C'est la Java bleue. C'est pas fini, malheureusement. Il reste encore deux couplets, deux refrains. La police arrive, là. Chérie, oui. S'il m'embarque, je continue à faire l'émission, OK? Parce que là, il est très tard actuellement, vous savez pas, là, très tard. Chérie, mais tout est fermé. Il est fermé, puis je suis enfermé en même temps. Chérie, sous mon étreinte, je veux t'essayer plus fort pour mieux garder l'empreinte et la chaleur de ton corps. Que de promesses, que de serments, on se fait dans la folie de moment, mais ces sentiments remplis d'amour. On sait qu'on ne les tiendra pas toujours. Oh. Un, deux, un, deux. deux, trois. C'est la Java bleue, la Java... Et vous encore assez KRL? La Java la plus belle, celle qui ensorcelle et que l'on danse les yeux dans les yeux au rythme joyeux. Quand les corps se confondent comme elle au monde, il n'y en a pas deux, c'est la Java, la Java, oh la Java, oh la Java, oh la Java, la Java, la Java, oh la Java. La Java. Bleu, c'est la Java bleue. Tout le monde ensemble. La Java la plus belle, celle qui nous ensorcelle. Et c'est ça, je voulais juste vous chanter la Java. À ma façon, malheureusement, Damia, heureusement, elle ne peut pas se joindre à nous. Et elle n'aurait jamais voulu. Oh, quoique, peut-être. Gainsbourg l'a déjà rencontré, Damia. Damien demandait à Serge qu'est-ce que tu... Il était tout petit, là, presque un fêteux. Il fêtait déjà, lui. C'était un fêteux tard. tard, très tard. Mais pas coupé au couteau, lui. Ah non, lui, il était à moulinette. Quand tu manges un tartare, faut pas que ce soit à la moulinette, faut que ce soit au couteau. C'est ça qu'ils m'ont dit, les professionnels. Et les professionnels, je veux pas vous pomper le carton. C'est une expression de Rénal, ça, vous pompez le carton. Essaye de pomper du carton, tu vas voir, c'est dur, hein? Eh, monsieur, y a pas, c'est pas une sphère de latex gonflable, communément appelée ballon. C'est du carton, ça se gonfle pas. Mais tu peux le gonfler. Si tu y dis, là, ah ouais, mon épée, ah ouais, il risque de gonfler. Puis attention, hein, si tu reçois un uppercut d'une boîte en carton, t'en reviens plus. Ah non, tu manges mou pendant toute ta vie. Là. Quand tu manges dur, ben le plus dur, c'est de mourir. C'est dur à avaler, hein? Si tu t'étouffes, c'est pire encore, là, hein? Tu meurs dans la pire des souffrances. Alors, donc, qu'est-ce que tu disais, moi, la Java bleue? Et puis, oui, je suis allé voir beaucoup de... Y avait-tu un francophone là-dedans? Il y avait juste des anglos. Ah oui. Je suis en train de me remémorer. Bon, c'est vrai. Ben oui, je m'en excuse infiniment, mais quoi qu'il n'y avait personne qui se produisait en français. Et à l'Olympia de Paris. Donc, Stephen Wilson, voyons donc, oui. Je l'avais tantôt. Ouais, mais là, ça dégénère, hein? Les heures passent, c'est très passe dans un monde d'angoisse. Alors, qui est-il? Stephen John Wilson, mais dans son... Pour son nom d'artiste, c'est Stephen Wilson. Il est né le 3 novembre 1967 à O'Mill Hempstead, au Royaume-Uni. Tiens, c'est plus facile. Est un multi-instrumentiste. Moi, je suis pas un amateur, mais on va faire ça vite, là. On va pas s'étaler là-dessus. Mais on va vous en... Non, j'aimerais vous faire écouter encore une autre pièce de ce chanteur. Mais moi, je suis pas un amateur de progressif. Je trouve que quand ça se prolonge là, plus que 4-5 minutes, là, mais lui, sur scène, puis même sur disque, l'intérêt, c'est que... Mais sur scène, c'est plus vrai. Là, c'est qu'il diffuse des bandes dessinées qu'il fait faire uniquement pour ses chansons. Non, tu ne verrais pas du Bugs Bunny, là. Non. Ni Bimbo dans l'enfant. Non. Pas du Walt Disney. Non. C'est de son œuvre. Tu sais, il fait affaire avec des grandes personnes. Là, des grandes... ben, pas au niveau de la taille, là, mais au niveau... de l'intérêt intellectuel, puis de la compréhension de sa musique et tout ça. Et mais c'est merveilleux. Merveilleux, puis moi qui est franco, 100% franco, mais encore là, franco, berçant vers le... Hein, franco-prolétarien. Mais je suis heureux d'être un franco-prolétarien, moi. Mieux vaut être un franco-prolétarien, monsieur, qu'être un franco-puriste. Les franco-puristes nous font chercher la bête noire. Tandis que le franco, hein, prolétaire, bof, oh, comme le mentionne le peuple, oui, on y va avec le peuple. C'est le peuple qui nous fait vivre, c'est le peuple qui amène la langue française. C'est pas juste les intellos, les gens coincés de la feuille. C'est les gens qui ont la soupape en l'air puis qui ont pas peur de dire ce qu'ils veulent dire sans trop s'arrêter sur la est-ce correct, est-ce bien conjugué, est-ce que je fais malheureusement une faute, est-ce que c'est exactement, madame, vous avez raison, est-ce que c'est un anglicisme, un québécisme, est-ce que je me noie dans ma conjoncture, mais non, c'est un prolétaire, il parle de sa journée, il faisait chaud en Saint-Simonac, c'est une expression, Saint-Simonac, me suis tiré une bûche. C'est une chaise, mais c'est pas une chaise. Parce que là, je pensais que j'allais m'évanouir, tomber dans les pommes. Mais non, on était dans les fraises. Non, c'est Renan. J'écoute Renan. C'est lui qui me fait faire des affaires de la même. Ah non, c'est pas normal. Je sais, c'est pas normal. Non, ma vie est pas normale. Avec lui, non. Il faudrait que j'arrête d'écouter cette émission-là parce que c'est pas bon pour. Non. Ouais, entre les deux. Vous avez bien raison. Ben oui. Mais là, avec Steven Wilson, là, ça va mieux aller. Oui, on va écouter. I live in the planet storm and I can hear you fuck your girlfriend through the wall. Alors, c'est quand même incroyable. Steven Wilson. Et pendant que j'écoutais Steven Wilson, j'étais en communication avec Victoria. Eh oui, Victoria, que j'ai déjà rencontrée il y a quelques années, toujours à mon émission Errance Rénaldienne sur CKRL. Victoria Bedos et son père lui a laissé un message. Et je vais vous le faire entendre. Peut-être que le son ne sera pas très bon, mais en tous les cas, il fait son côté anglo-saxon. Vous allez, j'ai approché le micro, je vais essayer de faire quelque chose d'intéressant. Là. OK, on y va. Ce que vous allez entendre, là, la personne que vous allez entendre, c'est Guy Bedos. OK? On y va. Ça fonctionne pas, mon Gaétan. Qu'est-ce qui se passe? Tu as un problème. Mais oui, tu as toujours des problèmes. Toi, attends un petit peu. Là, on met ça le même au maximum. Tu mets ça comme ça. Comment ça fonctionne? Ça fonctionne. Ah, OK, je sais pourquoi. OK, on y va, OK. Ah oh, oui, je sais. OK. Alors, voici Guy Bedos qui parle de sa fille, Victoria, dans ses mots anglo-saxons. I love you. I love you. C'est pas mal, hein? Ah, c'est un père qui est très heureux de ses enfants. Et bravo à Victoria, bravo à Guy, puis bravo aussi à mon ami Steven Wilson, extraordinaire. Moi qui n'ai pas un amateur, je vous l'ai dit depuis tantôt, de musique progressive, parce qu'il faut aboutir, selon moi, le punk, il n'y a rien de mieux que le punk, parce que ça rentre dedans, ça te fait vivre 2 minutes d'intensité, tu peux même plus en revenir, tu sais même pas, ta vie est mise en jeu quand t'écoutes du punk, tandis que le progressif, ben là, on est le genre, écoute papa, là, il tire tes jambes, OK? Puis on va voir où ça va nous mener, là. Tu sais, c'est sûr que tu planes. Mais à un moment donné, planer, c'est beau, mais il faut savoir atterrir, hein? Certains vont me dire, ben oui, mais c'est des professionnels, là. Le monde est progressif, on n'est pas là quoi, là. Hey, il y a Genesis! Ah, j'ai rien contre Genesis. Avec Peter Gabriel. Avec Phil Collins, là, j'ai beaucoup de problèmes. OK, Genesis. Il y a Jethro Tull. Qui? Jethro Tull. Je ne connais pas ça, moi. Voyons, Jethro Tull. Le gars qui l'a fait. Ah non, c'est Jethro Tull. Ben, c'est ça, Jethro Tull. Non, faut que tu dises à l'américaine. Quand tu vas passer là, à L7 Show. Un peu. Tu parles de L7 Show. Oui, L7. Ben, mais ça n'existe même plus. OK. Quand tu vas passer à Johnny Carson, mon vieux... Hey, ça n'existe plus. Ah, hey. OK. Quand tu vas passer à David Letterman, hey, ça n'existe même plus. Mais voyons donc, oui. On est dans quel siècle? On est dans quel... Tout le monde est en train de partir tranquillement. Tout le monde. Là, fais-toi un pas avec ça, là, mais tu risques d'avoir des petits problèmes techniques là, si tu te mets pas à la fine pointe. Pour être à la fine pointe, faut écouter de 1 CKRL, toutes les émissions de CKRL. Hey, je suis monté en amour. Je suis monté en amour pendant tout l'été avec une émission le dimanche, animée par des jeunes qui nous présentent un peu leur univers, beaucoup leur univers, mais surtout la jeune animatrice dont malheureusement je ne connais pas le nom, je suis honnête. Mais j'ai adoré. Je vais aller voir sur mon Facebook pour juste vous dire qu'est-ce qui se passe avec eux cet été. Vous pouvez tout télécharger les émissions en passant. Là, vous ne raterez absolument rien. Je vous conseille, si vous avez des enfants, de les écouter avec eux. Sinon, comme moi, seul, vous allez avoir un plaisir fou. Donc, ça s'appelle crème glacée limonade sucrée. C'est diffusé, bien sûr, sur CKRL. Mais toutes les émissions, j'écoute ça depuis belle lurette. Là, je me dis, il y a vraiment quelque chose là-dedans de super intéressant, à part mon émission. Non, mais même la mienne a ses adeptes et puis il y a des gens qui l'haïssent à mourir. Mais ça, on ne peut pas faire plaisir à tout le monde. Et ça, c'est grâce à une de mes amies qui était psy, qui est toujours psy, qui était mon amoureuse, qui n'est plus mon amoureuse. C'est ça. Donc, ça vaut la peine de voir et d'écouter, surtout d'écouter, mais de voir les photos quand ils s'en vont un peu partout, là, faire des chroniques. Puis, tu te rends compte? On se rend compte que les gens qui sont interviewés ont moins de vocabulaire que les enfants qui posent les questions. C'est hallucinant. Là, la jeune fille doit avoir, je sais pas, 13-14 ans. Elle a un langage extraordinaire, un dialogue, un vocabulaire sublime. Et là, le jeune qui est là dans un camp de vacances, là, il y a à peu près 17. Fait que tout ce qu'il a appris, là, jusqu'à 15-16, là, il est en régression. Fait que elle pose des bonnes questions. Puis là, dans le fond, ouais, c'est un jeu où tu te places dans l'eau puis tu glisses vers le bas. Puis dans le fond, ben, tu peux pas te blesser, là. Dans le fond, on est là, puis sinon, on arrête le jeu, là. Puis non, c'est comme ça. Puis, hey, la petite fille qui pose des belles questions enrichissantes, surtout pleine d'emphase, fleurissante. L'autre qui détruit tout ça, mon intelligence est là, mais elle glisse pas dans les jets d'eau. Mais en tout cas, bravo à cette belle. Puis lorsqu'elles sont devant des adultes et qu'ils posent des questions, elle est incroyable. En tout cas, c'est une émission que j'adore et que j'ai adoré pendant tout l'été. C'est ce qui m'a fait raccrocher à toute cette jeunesse. Parce qu'on dit souvent, le Québec, les enfants n'ont pas de vocabulaire. Et beaucoup en ont pas, mais la minorité en ont. Et c'est eux que l'on doit présenter, comme chez nous à CKRL. Il y a comme des adultes qui font des émissions à CKRL qui n'ont pas de vocabulaire. Rénal Gagné, c'est le premier. Les autres, ils sont extraordinaires, mais Rénal Gagné n'a pas de vocabulaire, lui-là. Je pense qu'il y a 20 mots, puis des 20 mots reviennent constamment. Là, je demanderais à quelqu'un, là, ce soir, là, de prendre une feuille et puis de souligner ce qui s'est dit et redit. C'est ça, madame. Je m'en excuse infiniment. Mon beau-frère Raymond me l'a dit. C'est peut-être quelque chose qu'il faudrait lui dire. Puis on ne sait pas comment lui dire. Mais ça va se passer à un moment donné. OK. On passe pas une pause musicale. On va s'en remettre. Faites-vous-en pas. Hey, s'en remettre comment? Comment? À ses oreilles? Non, mais s'en remettre au bon jugement de ses prédécesseurs. C'est qui ça? Hey, c'est. Voyons, on a ses prédécesseurs dans la radio. Il y en a plein! Au Québec! À une certaine époque, il y avait du AM. C'était pas juste du FM, là. Il y avait du AM. De Verchères Mercier. Mon ami De Verchères Mercier qui avait la chance, lui, d'avoir. Mais moi, la mienne, elle berce pas, mais elle crie. Attendez un peu. L'entendez crier, hein? On va monter le son, hein? Il crie. Et moi, si je crie, là, vous allez avoir une surdité à vie. Donc, je reste calme. Parce que j'ai ma sono ici. Je la connais, ma sono, mais je peux pas parler très fort. Je l'ai mis au maximum, mais je vais la baisser. Puis là, ce que vous entendez, c'est le vent ici de mon ventilo. Parce qu'il fait chaud en sein, s'il vous plaît. Je me suis acheté 3 consoles. Des consoles des années 70 avec des ampoules. Donc, ça chauffe. L'électricité descend. Hydro-Québec devient heureux parce que ça me coûte un bras d'électricité, mais je veux que mes auditeurs aient le meilleur de la sonorité des rentrées canadiennes et surtout que c'est diffusé à la meilleure radio à Québec qui est CKRL! Bravo, OK. Miss Odess regrets she's unable to lunch today. Madam, Miss Odess regrets she's unable to lunch today. She is sorry to be delayed, but last evening down in Lover Lane she strayed. Madam, Miss Odess regrets she's unable to lunch. Woke up and found that her dream of love was gone. Madam, she ran to the man who had led her so far astray. And from under her velvet gown, she drew a gun and shot her lover down. Madam, Miss Otis regrets she's unable to lunch today. Comme ceux qui changent leurs adresses, déshabituer nos yeux des vieilles détresses du fond de nos bassins de chlore. On n'entend plus rien dehors. Est-ce qu'on sera plus heureux? Faut croire. Fermons les yeux, faut voir. On pourrait blinder, coder nos portes et nos barrières. On pourrait privatiser le bord de mer. Mon amour, comme ça, s'enfuir et s'en laver les mains. laisser le bateau qui chavire au blanc requin du fond de nos bassins. De chlore, on n'entend plus rien. Dehors, est-ce qu'on sera plus heureux? Faut croire, en fermant les yeux, faut voir, on pourrait partir comme ceux qui ne reviennent pas et laisser aux audacieux nos vieux combats. Et si nos mares cristallines un beau jour s'évaporent, comme la douceur utérine nous jette dehors du fond de nos bassins. De chlore, on n'entend plus rien. Dehors, est-ce qu'on sera plus heureux? Faut croire, en fermant les yeux, faut voir. Aujourd'hui, je vous présente une partie et la semaine prochaine, la deuxième partie. J'ai une grande joie de vous présenter encore pour une deuxième année consécutive T-Benjo. T-Benjo, est-ce que j'ai écrit ça comme ça? Ben, c'est T-Benjo, puis même avec elle, j'en discute. Vous allez l'entendre. Est-ce que j'ai la même prononciation qu'à Paris que lorsque j'arrive ici? Est-ce que j'ai perdu tout ça aux douanes? Parce que tu sais, les douanes, c'est pas facile, les douanes, là. Vous avez, qu'est-ce que vous avez à déclarer? Ben, vive le Québec. Non, non, non, non, non, mais à part de ça, ben, vive le Québec libre. Non, pas le Québec, vous êtes allé où? Ben là, tout le monde qui sont derrière moi, là, normalement, là, s'ils sont pas hypocrites, ils vont vous dire de Paris. Hey, le groupe, pouvez-vous nous dire d'où vous venez ensemble, OK? Parce que lui, il sait pas, lui. Lui, c'était un genre de suspect, tu sais, il s'imagine qu'on vient pas de la même place. On appelle ça un douanier. Connaissez-vous ça, des douaniers? C'est des gens... D'où vous venez? Commandant, vous êtes resté là? Avez-vous visité une ferme? Hey, wow, le crotté, il va être... Mon monsieur, pas le crotté, vous êtes propre. Non, vous sentez propre, vous sentez propre. Le chambon? Non, non, vous sentez le propre. Ah non, vous êtes pas... Non, non, écoutez, excusez-moi, j'ai la tête qui a bifurqué, et puis j'ai le cœur qui s'étale, et puis je veux souvent m'en aller chanter sur l'asphalte, laissez-moi mourir. Stone! Le monde est stone! J'ai peur de soleil au milieu de la nuit! C'est comme un vampire, ça. J'ai la tête qui éclate, je voudrais seulement dormir, m'étendre sur l'asphalte et me laisser mourir. Attends-toi, et me laisser mourir. Merci. Non, mais c'est les douaniers. Suspicion par suspicion. T'es là avec un chapeau. Enlevez votre chapeau. Oui. Vous êtes où? Ben, je suis à Québec. D'accord. Vous étiez où? Ben, à Paris. Puis demandez au monde en arrière. Je vous l'ai dit, demandez au monde en arrière. Attendez, on va s'informer. Oui! OK, on va leur demander. Est-ce que vous étiez de Paris, tout le monde? Oui! Êtes-vous certain? Oui! Vous revenez à Québec? Oui! Vous étiez en vacances? Oui! Vous avez rien de louche? De louche dans vos bagages? Oui! Ben oui, parce que je leur ai toutes donné deux bouteilles de vin. Je les ai payées. Hey, les mecs, là. Il faut pas me gonfler, là. Hein? J'arrive de Paris. On m'a offert 42 bouteilles de vin. Du rouge, là. Du gros rouge, là. Et puis, je devais pas non plus passer ça, là, en sourdine. Ça paraissait louche. Donc, je vous ai tous payés, un après l'autre, pour amener deux bouteilles de vin. Puis vous me les ramenez ici à Québec, là. À l'extérieur, là, avant de prendre le taxi, vous remettez toutes les bouteilles de vin. Vous avez été fidèles, vous avez crié oui, oui, oui. Mais tout le monde l'œil, voyons donc. Comment ça qu'un agent qui sait que c'est un vol de Bababa en provenance de Paris nous demande d'où vous venez? À un moment donné, là, s'il joue, tu sais, la carte du baveux, tu sais, le baveux, c'est pas celui qui bave, là, celui qui provoque, mais moi, là, j'arrive dans Natashquan. Hey, j'ai rencontré Gilles Vigneault, une belle soirée hier, puis là, j'ai dû redescendre parce que j'ai appris que mon hamster souffrait d'appendicite et aigu. C'était tellement aigu, là. Et elle était épais, elle m'a appelé, elle dit hey, il était 2h du matin, j'étais avec le jeu, hey, Gilles, on jouait au billard. Hey, Gilles est super bon au billard, là. Super bien. Quand il clique, Jean du pays, à chaque fois qu'il rentre, là, la boule dans le trou, Jean du pays, il est comme ça, il est bon, on a eu du plaisir. Oh. Mais là, mon hamster ne va pas très bien. Fait que je suis en provenance, moi, de Natashquan. J'ai trouvé l'agent, il dit moi, non, non. Monsieur, c'est un avion qui atterrit de Paris. Ouais. Mais là, tu me demandes d'où je viens, Natashquan? Non, non, non. D'où vous provenez, là, de quel endroit vous étiez et à quel endroit vous êtes actuellement? Ben, j'étais à Natashquan, puis j'arrive à Québec. Hey, t'as pas eu là? Il y a quelque chose qui se passe, là? Non, non, je te niaise, toi, là. Je te niaise. Comment ça, tu me demandes d'où je viens? Tu sais que l'avion ici, c'est de Paris. Ça vient pas du Népal, ça vient pas du Nebraska, ça vient pas de Honolulu, de New York, ça vient de Paris. Paris, même Orly. Orly. Non, Charles de Gaulle. Orly, non. Charles. Non, ils veulent pas me laisser passer à Orly, moi. Ah non, parce que Orly puis moi, on a une relation assez intense. Fait que non, je viens de Charles de Gaulle. Tout le monde ici vient de Charles de Gaulle. Attends un peu, êtes-vous là, oui? Oui! Vous venez de Charles de Gaulle? Oui! Avez-vous des choses à déclarer? Oui! Vive le Québec libre? Oui! Bon, on vient tout de là, Charles de Gaulle. Il y a 3-4 Français perdus là-dedans, là. Mais sinon, là, on est des vrais. On est des vrais, puis posez-nous pas des questions d'imbéciles. Tout le monde ici, ça vient de Orly. Oui! Bon, c'est fini là, alors. Ça irait bien plus vite. Si vous nous poseriez... Excuse-moi, la langue me fourche, puis je me défourche actuellement. J'ai ma chaise qui se défourche. C'est normal, au pire, j'ai payé ça. C'est du cuir. Pas du cuirette, M. Tremblay, c'est du cuir. Je suis en train de fondre. OK, c'est normal. Ça sent bon. Non, ça sent bon, hein? Je suis propre de partout, moi. Mais, c'est intéressant de dire ça à la radio. Ben oui, il y a le public qui se demande. Y a-t-il une propreté intellectuelle de sa personne? Hein? Et puis là, ben, ils sont certains. Ben ouais, mais c'est juste moi qui dis ça. Il n'y a personne qui peut vérifier. On peut peut-être payer la petite Gaétane qui est là, mais elle vient de se mettre à pleurer. Je pense qu'elle veut pas. Ça fait que... Demandez pas les douaniers. Vous êtes des gens qui sortent. Vous avez un travail... Oui, je sais que votre travail est ingrat. Il y a beaucoup de travail ingrat, là. Tu sais, je ne veux pas trop les nommer, là, mais quand même, douanier, c'est pas si ingrat que ça, là. Je dis ça pour vous pardonner un peu, là, de vos... Puis, c'est vrai ce que je vous dis, là. Chaque Québec, il y a un jeune homme qui me dit, mais il était sympathique, très jeune, très sympathique. Déjà là, t'es pas un vieux, tu sais, un vieux qui est déjà là depuis 40 ans, puis d'où vous venez? OK, pour quelle raison vous étiez là-bas? Des vacances, fumer du shit, rencontrer des rock'n'rollers, vous êtes un pouilleux, un Québécois. Non, pas ça. Non, mais le jeune était... Le jeune était quand même très sympathique. Il me dit, vous étiez à Paris? Je dis oui. Il dit, pour quelle raison? Ben, j'ai dit, pour faire des rencontres radiophoniques. Il dit, radiophonique? Ben, j'ai dit, regardez, j'avais un gaminet, j'avais un t-shirt de CKRL que j'ai acheté de Danny Fortin. Mon ami Danny, wow! Danny Fortin qui m'a acheté. Ah oui, j'ai eu la chance d'en acheter 6. Fait que sur toutes les photos, j'ai le même gaminet, mais je me change. C'est ça, j'ai dit à Daniel. J'ai dit, Daniel, ça va paraître bizarre. Sur tous les photogrammes que je prendrai avec les artistes, pendant les 8 jours, je vais avoir le même vêtement. Puis là, il me dit, ouais, mais on a des rouges. Ouais, mais mes rouges avec la palette que j'ai. Regarde, j'ai déjà rouge de même. Tu sais, je suis très gêné. Tu me dis, salut Rénal, Daniel, là, puis ça marche pas, là. Tu sais, je suis tout croche, moi, là. Non, noir, ça va bien avec moi. Hein, c'est mon côté macabre, mon côté. C'est cela. C'est un ton. Puis en même temps, c'est pas une couleur. C'est pour ça que ça me plaît le noir. Le noir, le blanc, c'est des tons. Donc, moi qui ai un tonton, j'aime bien le ton. Et puis, j'aime le ton, vivre la Bretagne. Non, c'est pas ça. C'est pas la même chanson. Fait que là, j'aimerais. Fait que là. Hey, déjà, quand tu dis fait que là. C'est pas très beau au niveau du vocabulaire. Les enfants, ne dites pas si vous faites de la radio, fait que là. Moi, j'ai osé le faire là parce que ça venait d'une résurgence intellectuelle très profonde. C'était comme un. Oui, exactement, un spasme. Mais c'est pas toujours. Dans les spasmes, oui, il y a des bons soubresauts, ou en même temps, il y en a des très mauvais. Ce que je vous ai fait là, c'est très mauvais. Je vous présente Tibéo. Aujourd'hui et la semaine prochaine, mais là on parle d'aujourd'hui parce qu'on ne sait pas où on va être là, l'autre semaine. Un jour à la choix, hein? Un jour à la choix. Un jour à la choix d'où Jésus. Alors je vous présente encore pour la 10e fois, et là c'est vrai, Tibéo. À la lune, terre et mer. S'aimant, poussières et rivières s'élèvent et dansent en moment. Dans les plis de la nuit, je cherche à disparaître tellement pour oublier peut-être que le jour vient. Kiss me before the night ends in keys in his park of hope. Kiss me before the sun rises and burns in a dew of love. Le soleil, les nuages volent le temps. Les rayons encore frêles s'étirent en tremblant. Sous tes paupières, je cherche à me cacher tellement pour oublier peut-être que le jour vient en levant. Park of hope. Kiss me before the sun rises and burns in a dew of love. De la nuit, je cherche à disparaître tellement pour oublier peut-être que le jour vient en levant. Allô, tu cherchais partout. Oui. Comment ça va? T'as eu mon message? Hey, non. Je sais que j'étais en retard. Ah non, non, parce que j'ai pas accès à Facebook. Ah, d'accord. Moi, j'ai mon téléphone. Ok, désolé. Ancien téléphone. À l'ancienne. Alors, hey, je me suis pratiqué pour bien prononcer ton nom d'artiste. C'est vrai? Et d'oublier ton nom de citoyen. Ah, de la vraie vie? Oui, ben, de mais la vraie très vie. Bien, ouais. C'est très bien. Tibeyo. Tibeyo, ouais, c'est ça. Hey! Beaucoup de pratique. Beaucoup de pratique. Donc, c'était Henri Tournel dans ma tête, comment j'allais le prononcer. Puis, alors, comment ça va? Ça va, ça bon. Va, je suis fatiguée un peu, mais ça roule, hein? Oui, ça roule. Mais depuis la dernière année, on s'est vu l'année dernière. Ouais. Il s'est passé des choses, t'as été de festival en festival, t'as pas abandonné. Ah non, j'ai pas abandonné, non, loin de là. Ouais. Au contraire, t'as eu des demandes. Ouais, j'ai eu beaucoup de choses, ouais, beaucoup de dates. C'est pour ça que je suis un peu fatiguée d'ailleurs, parce que c'est surtout que je me suis remise au solo en fait. Je me suis recentrée sur le solo pendant plusieurs mois et je me rends compte de ce que ça donne l'énergie. En tournée. Ouais, ouais. L'énergie, elle est folle quoi en fait, en solo. C'est... Mais en même temps, t'es plus libre quand t'es avec ta guitare. Voilà, il y a avantage inconvénient quoi. Ouais. C'est, on peut se rattraper aux branches, on peut être dans son rythme, il n'y a pas de souci de tempo, on n'a pas à se mettre d'accord à quelqu'un d'autre sur le tempo. Mais... Parce que l'année dernière, t'avais un autre look et je suis ramassé. Oui, c'est vrai. Là, c'est pour ça que je t'ai repéré, mais ça m'a pris quand même 5 secondes. Mais sinon, qu'est-ce qui s'est passé depuis ce temps-là? C'est des tournées, c'est de l'apprentissage. Écoute, ouais, il y a eu beaucoup de tournées, ouais, beaucoup de dates. Des belles aussi. Premières parties. Belgique, ouais, je suis retournée. Je sais plus quand est-ce qu'on s'était vu, c'était vraiment début juillet. C'est exactement, c'est presque la date anniversaire. C'est en fait. Là, j'ai reçu, tu sais... Ah, c'est ça, mais moi aussi, je oui. me suis fait la réflexion. Oui. C'est exactement la aujourd'hui, même, il y a un an. C'est même, génial, même en fait, notre anniversaire, ouais. en fait. Mais on s'était rencontrés à 16h30. Puis on avait puis on s'est arrêté. Moi, je m'en souviens parce que je réécoute mes bandes, là. J'ai aucun mérite, OK? Mais on s'est déplacé pour faire 3-4 chansons. Exactement. Et l'église commençait à jouer à avec ses cloches. Alors on s'est arrêté pour en recommencer. Ah, génial! Oui, voilà. Mais ouais, c'est pas grave ça pour le live. Hein. J'ai déjà des enregistrements de l'année dernière okay. que je diffuse régulièrement. Bon, bah, super. Ah, cool! Ben oui, et puis. Donc, c'est ça, t'as été en Belgique, t'étais partout, c'était excitant. Ouais, ouais, ouais, super. Ouais, je commence à faire comme ce qu'on appelle l'escargot, en fait. Oui. C'est-à-dire que tu t'éloignes petit à petit de ta ville initiale, par petits cercles, ouais. et puis s'éloignes de plus en plus. Et tu t'agrandis comme ça. Voilà, exactement. Donc là, j'ai commencé à aller dans le sud de la France. J'étais à Annecy aussi, Belgique, donc plein de fois. Je vais aller en Suisse, là. À Lausanne? J'étais à Lausanne, pile, comment tu fais ça? T'as regardé? T'as vu des choses passer? Je fais des recherches. Ah, tu fais des recherches, tu te renseignes. Oui. Donc voilà, Lausanne, et puis il y aura peut-être d'autres choses, peut-être d'autres dates autour plein de cette date-là. Là, ce sera fin mars, je sais pas, ça dépendra du temps, mais je pense que ce sera. Parce que ce sera en appartement en fait, c'est pour les 40 ans d'une amie. Donc, okay. Mais après, elle est en train de lancer sa boîte de prod, et du coup, elle est en train de me dire, bah écoute, il y a peut-être moyen de trouver d'autres dates derrière, autour. Parce que évidemment, l'idée quand on se déplace idéalement, c'est de trouver des dates autour. Ben, que ce soit rentable. Exactement. On se déplace pas pour rien. C'est pas très loin, et puis c'est tellement beau, c'est là, une occasion de faire des accroches, quoi. C'est le moment. Je suis allée en 89, c'est merveilleux. Ah ouais, mais moi j'adore. Ouais, ouais. Hein. J'y étais jouée aussi, comme j'étais comédienne à un moment donné, je suis allée jouer aussi dans le coin, donc j'étais venue la voir à Lausanne. Mais là, tu l'as abandonné ton rôle de comédienne? Complètement, oui. Parce là, que la chanson. Ça la chanson. Fait un an que je fais plus que ça, et d'ailleurs, on a un truc à fêter aujourd'hui, je vais être intermittente là. J'ai mon statut d'intermittence. Tu l'avais pas avant? Mais non! Mais voyons, ça prend beaucoup de temps. Ouais, ça prend du temps. Et ça commence aujourd'hui? Aujourd'hui. C'est, je vais essayer de déposer mon dossier fin août, là. En fait, j'ai toutes mes heures. OK. Mais en fait, il y a un truc, c'est un peu compliqué, mais les règles. Mais comment tu faisais pour vivre? Alors, t'avais un boulot alimentaire? Écoute, j'étais... Non, j'étais en mode RSA. Et on y croit. OK, ah ouais. Et voilà, et on se donne à fond dans ce qu'on fait. Moi, je pouvais pas. Un boulot à côté, ça me paraissait quasi impossible. Ouais. Parce que franchement, là, tu peux pas avec tout ce que j'ai à faire, ouais. La communication, la diffusion, trouver des dates, machin, trouver des partenaires. Alors là, tu es obligé, suite à ça, de faire 42 spectacles par année pour pouvoir continuer à avoir... L'idée, ouais, c'est d'avoir 44 même. 44, OK. Après, c'est des cachets. Donc, ouais. Enfin non, en fait, en vrai, c'est 507 heures. Donc, tu n'es pas obligé de faire 44 concerts, en fait. Il y a, normalement, effectivement, tu fais beaucoup de concerts, tu es censé faire beaucoup de concerts, mais après, tu peux faire aussi, tu peux avoir des cachets de répétition, par exemple. Okay. Tu peux te payer des heures de répète. Tu peux aussi, ce que je suis en train de faire, là, ce que je suis en train de lancer, j'adore ça, c'est de l'action culturelle. C'est-à-dire? C'est intervenir dans des milieux, par exemple, scolaires. Ah oui, OK. Et puis, proposer des ateliers et se faire payer en heures, du coup, et des heures qui peuvent être comptabilisées. Ah, ça peut aider, dans une ça. Certaine limite, hein. Il faut pas abuser parce que ça paraît louche. Ben, c'est même pas que ça paraît louche, c'est que c'est même légitime. légiférer. Okay. On ne peut pas en faire plus d'un certain nombre dans l'intermittence. Okay. Parce qu'il ne faut pas déconner quand même. On est là pour aller sur scène. C'est du sérieux. Mais comment tu peux faire en tournée comme ça? Écris-tu encore du nouveau matériel ou t'as abandonné? De quoi? Du nouveau matériel. Écris-tu des chansons? Ah, c'est une très bonne question. Ça a été dur. Ouais. Ça a été dur de recréer. L'été dernier justement, après qu'on se voit là en août, comme je suis partie, un mois dans le sud de la France, je suis allée, coupée de tout, et du coup j'ai pu me mettre à créer sur mon petit ukulélé. Là j'ai des nouvelles compos françaises sur mon ukulélé. Il y a dû avoir aussi une ou deux. Est-ce que tu t'es pratiqué davantage parce que tu avais de la difficulté avec ton ukulélé au début, tu maîtrisais pas très bien? En fait je sais pas, parce que tout le monde pense que j'ai un problème de pratique, mais en fait c'est parce que je fais une suspension aussi sur mon morceau à la lune, et ça gêne tout le monde en fait. J'adore cette suspension. Mais en fait c'est pas grave, mais le fait que ça fasse penser que c'est faut voir. Peut-être pas bon, donc on va voir, je vais faire évoluer cette histoire, mais pour l'instant j'arrive pas vraiment à enlever ce côté suspensif. Moi j'aime bien suspendre. C'est un morceau qui pour moi est dans l'attente, donc ça raconte quelque chose de se suspendre. C'est vrai, c'est vrai. Ça va avec la voix aussi. Ouais, parce que tu as une voix, une ritournelle. Ouais, exactement. Il y a ce truc de petite boîte à musique, un peu ce morceau, il a un petit peu ce côté. Donc, il y a la boîte à musique qui s'enraye. Moi, j'aime bien cette histoire. Mais bon, après, faut peut-être que j'arrive à mieux le jouer. On verra. Mais voilà, et du coup, récemment, justement, en partant, là, je rentre de Bruxelles. C'est pour ça que je suis un peu fatiguée. Là, j'ai joué samedi, dimanche, lundi. Et en fait, comme j'ai changé d'air, en fait, je pense que vraiment, moi, pour créer, en fait, j'ai besoin de bouger de Paris. En fait, voilà, ça c'est en train de se confirmer. À chaque fois que je m'en vais, suffisamment longtemps aussi, faut quand même que j'ai une petite semaine composée. Mais là j'ai commencé, j'ai deux nouvelles compos là, juste parce que j'ai changé d'air, j'en suis persuadée. Et de cordes de guitare aussi, j'avoue. Ah, t'as changé de cordes de guitare? J'ai changé mes cordes de guitare en fait, juste avant de partir à Bruxelles. Et en fait, le son qu'elles avaient, je suis tombée amoureuse. Mais ça dépend de la qualité. C'est-à-dire que là, j'ai mis le prix en plus, c'était des cordes qui coûtaient 17 balles, donc c'était de la bonne corde. 17 balles? 17 euros, ouais. Pour une corde? Pour moi, ouais, moi généralement je suis autour de 6-7 euros quand même, le jeu de cordes, je trouve que ça va, ça suffit. Bah ouais, mais c'est ton instrument. Bah oui, et puis surtout que j'en change, je suis censée en changer tous les mois, donc ça fait un petit budget au bout d'un mois, Ah ouais, un mois, parce que quand tu joues beaucoup, comme c'est mon cas en ce moment, au bout d'un mois, elles sonnent plus, elles sont épuisées. Alors après, il y a une petite technique, il faut les essuyer. Ouais. Tu les essuies après avoir joué pour les épargner un peu, parce qu'en fait, c'est la transpiration qui fait que ça bouffe. L'huile aussi, ça bouffe les cordes en fait, ça les étouffe à force, etc. Donc faut les changer régulièrement. Donc il faut trouver le bon équilibre entre des cordes qui ont un bon prix. Parce qu'il y en a des plus chers que ça. Là. Ah oui, je pense. Ça, bien c'est sûr, comme un bijou, tu peux en avoir à 50, 60. Exactement, exactement. Plaqué or. Ah oui, à un moment donné, avec ton nom d'artiste sur les guitares. Mais qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? Ah oui, alors depuis qu'on s'est... Ah, t'as pas froid, j'espère? Ben si, parce que j'avais chaud en arrivant, parce que comme je suis en retard, j'ai marché vite. Ben non, voyons. Mais depuis qu'on s'est rencontrés, t'as fait 4 titres depuis notre départ. 4 titres, c'est-à-dire nouveau, tu veux dire? Je sais pas. Attends. Ukulélé, j'en ai 3. J'ai 3 nouveaux ukulélé. Et là, je suis en train de travailler sur 2. Et je pense qu'il y en avait une ou deux à la guitare en plus. Là. Ok. Ouais. Est-ce que tu gardes encore la musique anglaise, les paroles en anglais ou c'est... Ouais, je continue à mélanger. Okay. Ouais. Okay. Je continue à mélanger. À un moment donné, je pensais que je me débarrasserais de l'anglais, mais en fait, non. Ok, non, c'est lui qui ne veut pas se débarrasser de toi. C'est ça, il ne me lâche pas. Ah, mais quoi, c'est cruel l'anglais. Hein. C'est ça, clair. Ça s'accapare. Ah, c'est ça, un truc, ça te lâche pas. Hein. Non, c'est ça. On appelle ça le drame américain. C'est ça, exactement. Non, mais je crois que j'aime l'idée. Je pense que je vais garder vraiment l'idée de continuer à mélanger les langues. J'ai même commencé là maintenant à. Parce que j'ai perdu ma grand-mère aussi pendant l'hiver. Et ma grand-mère de Martinique. Et en fait, j'avais un concert pas longtemps après à Strasbourg. Et pour lui rendre hommage, en fait, j'ai commencé le concert avec un chant créole a cappella. Et en fait, ce chant créole, maintenant, je le fais en fin de concert parce que commencer avec, c'est un peu dur, moi, au niveau de l'émotion. Elle avait quel âge? Elle était pas si âgée que ça en plus. Hein. Elle avait 78 ans, je crois. Hein. Ma mère, sa mort, elle a 78 ans. C'est vrai? Très peu d'aimants, c'est l'Alzheimer. Ah ouais, non, là, elle a eu un problème cardiaque de santé. Non, elle a fait une hémorragie interne. 78 ans, ça veut dire que t'es jeune. Mais oui, je suis hyper jeune. Ben là, 78 ans, ah ouais, très bien. Ben attends, tu me fais douter, mais si, c'est ça. Hein. Mais la mienne est née en 40, ma mère est née en 40. 7 février 40. J'ai un bug là. Ok, mais en tout cas. Si, je pense qu'elle avait. Ou alors. Ah, attends. Tu étais plus vieille, hein? Oui, bah oui, bah oui. Merde alors, je l'ai rajeunie. Est-ce que je l'ai rajeunie 10 ans carrément? A silver light, they say, but all I can see is gray. You can have rainbows without the rain, yeah, but when will the sun show its head? Gather your rosebuds while you may, but what if I pricked myself? There's nothing to fear, but fear itself, yeah. Easy to say, man. Yeah, easy to say, man. It's always the cast before the dawn. To know it well, it give me hope. Before I run, you need a walk. I'm certainly taking it slow. Don't turn asleep into a fall. I'm okay, but tell it to my soul. You take yourself wherever you go. Yeah, I'd rather not roll. I'd rather not roll. Some days are harder than others, but you see, never say die, and sometimes things get easy. Happiness is shiny, you have to grab it when it flees. Let tomorrow decide today. Tell it to my brain. Well, there's a will, there's a way, my friend. I think that may be the problem. All things come to him who wait. That's why I'm scared. Don't you know the end? There's nothing to fear but fear itself. Yeah, easy to say, man. Yeah, easy to say, man. Some days are harder than others, but you see, never say die, and sometimes things get easier. Happiness is shining, you have to grab it when it flees. Let tomorrow decide today. To let it wins. Happiness is free, don't be a fool. And see yourself, oh, when it to be real, not to be perfect. Oh, where there's a will, there's a way, my friend. Oh, all things come to him who waits. Oh, There's nothing to fear but fear itself. Oh. Moi, j'ai 51 ans. Je suis née en 67, OK? 67? Donc, oui. Elle, c'est quoi alors? 78. Non, mais t'as raison, ça doit être un peu trop jeune, ça. Ah oui, elle devait avoir 88. Peut-être 88. Ah, ouais, je lui ai enlevé 10 ans, en fait. Ouais, ouais, ouais, ouais, allez, ouais, ouais. Je lui ai enlevé 10 ans. Non, mais elle faisait jeune. C'est gratuit. Elle faisait jeune. Donc, ah, c'est ça. Et elle était amoureuse du gospel, c'est pour ça que tu as voulu lui rendre hommage. Amoureuse de quoi? Du gospel. Ah, elle chantait, ouais. Ouais. Elle chantait, pas forcément, enfin, en Suisse, je dis, elle chantait en chorale en église, donc je pense qu'elle devait chanter des gospels, ouais, carrément. Est-ce que tu. Elle avait une chanson, tu me dis que tu finis par. Ah, pardon, par le... alors ce chant, oui, pardon, c'est un chant du carnaval, en fait, du vaval, okay. Qu'on appelle comme ça là-bas. C'est O Madiana, c'est un chant qu'on, ouais, qu'on chante au carnaval. Mais est-ce que c'est festif? Très. OK. Et ça, c'est quoi? C'est le rythme? C'est dans le rythme? Bah, je peux le faire, si tu veux. Mais vas-y, mais on y arrivait, on y arrivait. Okay. Ouais, vas-y. Voilà, est-ce que je le fais à pleine voix ou confidentiel? Je sais pas trop, hein. Confidentiel. Ouais? Ouais. Oi, Madiana, joa caouve la gemma. Joa caouve la gemma, pour moi, allez, caïmo, maman. Oi, Madiana. Et ça, on peut continuer pendant des heures. Je la connais. Oui, je la connais. C'est vrai? Oui. Mais alors, est-ce que c'est un chant folklorique? Bah, c'est un chant du vaval, du carnaval, donc ça se fait souvent. Oui. Ouais, ça se chante. Est-ce que ça se peut que la chanteuse qui vient du Cap-Vert, Aiguarol, l'a déjà chanté? Impossible, après oui. Je sais pas, les croisements, ah, oui, oui, c'est oui, possible. Oui. Hein. C'est bon, hein. C'est clair. Et tu fais ça à la fin de ton spectacle? Moi, je fais ça, ouais, maintenant, et je fais chanter le public. Mais et je oui. Leur donne les paroles. Ah, puis là, ça se termine assez mais bien oui. Parce que les gens ont participé. Exactement. Est-ce que tu fais beaucoup de rappels ou si tu es du genre, à un moment alors, donné, tu as plus de répertoire? J'ai toute une phase où j'aimais pas du tout faire les rappels. Je trouve ça un peu. On sait, en fait. Tout le monde sait, on applaudit, les gens okay. Sortent, on sait ah, qu'ils ouais. Vont revenir. Je trouve qu'il y a un peu, finalement, ça devient conventionnel, quoi. Et ça ouais, il y a un rituel. Il y a un rituel qui, bon, pour moi, me fait pas trop écho à quelque chose de concret. Alors, t'as fait pas. Moi, au début, je faisais des vrais rappels. C'est-à-dire que si les gens me rappelaient, je leur disais, j'ai plus de morceaux. Mais je peux vous faire un vrai bis, quoi. C'est-à-dire, vous avez envie de réécouter un morceau, je vous le fais. Okay. Donc, au début, c'est ce que je faisais. Et maintenant, je fais effectivement, dans certains cadres, je sors avec un nouveau morceau au ukulélé, justement, je sors du concert en fait, je m'éloigne, ah oui, okay. Je claque la porte, je me oui. Casse. Oui, oui. Ça fait souvent un peu rire les gens parce oui. Qu'ils vont, ben elle part où là, elle fait quoi? Est-ce que tu fais quelque chose que... Ah, mais je l'ai pas voulu. Non, non, non, pas de problème. Oui, je sais pas, t'as pris quoi, toi? Ben, moi, j'ai pris plein de choses. Ah! Ouais, j'ai pris un coca, puis là, c'est de l'eau minérale. Ah, de l'eau minérale, je vais faire un peu plus fun. Vous avez quoi en jus de fruits? Pressé ou bouteille? Pressé. Pressé, je vous fais un petit mélange orange chiffon. Allez, ça va allez, me donner parti. De la vitamine, ça. Voilà. Très bien. Autre chose, non? Non, merci. Rien, oh, non, merci. Oui, alors... Oui, qu'est-ce qu'on disait? Du coup, je termine, voilà, sur ce petit morceau ukulélé, je sors, ouais, ouais. Les gens rigolent un peu, après je reviens, hop. Et là, je propose, voilà, je me propose le Madiana pour qu'on se quitte tous ensemble, quoi. Et là, ça, après ça, c'est terminé? Voilà. Ok. Tu fais combien de... Tu fais quoi, 60 minutes? Ouais, en ce moment, je fais... Après, je fais à la demande, hein, en fonction de ce qu'on me demande, hein, mais souvent, bah, les premières parties, c'est souvent une demi-heure, 40 ouais, minutes. Ouais. Après, je fais une heure, ouais, régulièrement, on me demande une heure. Le max, en ce moment, en compo, que je défends vraiment les morceaux que j'ai envie de défendre et tout ça, c'est une heure et quart. Voilà. Après... Mais là, ce qui était génial, ce que j'ai vécu récemment, c'était la première partie de David Sicard. Oui. C'est un chanteur réunionnais. Oui. Ah oui. Et vraiment, là, je sens que j'ai rencontré mon public parce que dès le premier morceau, les gens ont adhéré immédiatement. C'est le même style, hein. Ça bougeait, ça machin. Bah, il y a ce côté, évidemment, il y a un fond insulaire, hein. Il y a un fond. forcément de ce type de musique. Dans ma musique aussi, parfois, il y a un peu de Maloya, j'ai emprunté un peu des choses à La Réunion. Et du coup, j'ai senti que le public l'a senti. C'était ton univers. C'est clair. Puis il y avait justement, au moment du Oma Diana, il y avait des gens en fait antillais. Il y avait quelqu'un de Martinique qui connaissait, qui a crié « Ouais, on y va !» Il a guidé les gens, c'était vraiment génial. C'était vraiment super concert. Mais c'est une belle énergie, la scène, hein, c'est parce que tu sors de là, t'es toute vitaminée. Ouais, mais ce qui est nouveau pour moi, justement, dans cette dernière année, c'est que j'ai, justement, avec le Oma Diana que j'ai intégré, ça amène plus de joie. Et alors que moi, souvent, je suis beaucoup dans la mélancolie, j'ai un univers qui est quand même un peu, qui se rapprocher de... J'aime bien parler de Cesaria Evora, parce qu'il y a ce côté mélancolie. Ouais. Et justement, dans le cadre... Parce que c'est ça aussi que j'ai fait cette année, j'ai oublié de dire, j'avais deux accompagnements cette année, deux accompagnements artistiques à la Manufacture Chanson, tu connais peut-être, parce que du coup, tu as vu passer pas mal d'artistes, je pense qu'ils sont passés par la Manufacture. Donc j'étais accompagnée par eux pendant 4-5 mois, et c'était vraiment génial, j'ai coaching scénique. Non, c'est juste moi. En fait, pendant... Enfin, juste moi, non. On était 4 artistes à être suivis. Donc on était coaché scéniquement, on avait des cours de grade, des cours de chant, développement du projet, pendant 4-5 mois, de février là à juin. Avec des concerts et tout. Et c'était vraiment hyper intéressant. Justement, la coach vocale qui a travaillé avec nous me parlait de ça. Elle me disait, mais toi, en fait, dans ton truc, il y a du saudade. C'est vraiment ce truc-là de on pleure la sur... La mélancolie. Mais, et à la fois, on fait danser, il y a un truc... Mais je trouve que ta voix a cette mélancolie que très peu ont. C'est vrai. On parle de Lassa aussi beaucoup. Oui, c'est vrai. Ah oui, la chanteuse québécoise. Et ça, c'est vrai que c'est une référence qui me fait plaisir. C'est quelque chose que j'aime. Enfin, je l'aime énormément. C'est vrai. Mais ça roulait pour toi, mais j'en reviens pas parce qu'à chaque fois que j'allais sur ton mur, tu il y avait des trucs en plus. Avec tes dates. Mais ça s'arrête pas. Mais c'est bien. Ouais, non, c'est vraiment super. Et tu dois te rendre compte qu'à un moment donné, il y a un public qui te suit. C'est ça, ouais, il y a des gens qui commencent à me suivre, donc c'est rigolo. Mais est-ce que tu prépares de la pastille? Est-ce que tu prépares un CD? Ah, alors le CD, le fameux, oui, tout le monde me le demande. Donc ça y est, je vais pas pouvoir y échapper. Mais parce qu'il faut que tu... présente. Moi, si je vois un concert, c'est parce que j'aime l'album. Mais oui, bien sûr. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que je pense que j'avais besoin, c'est pour ça que je suis revenue au solo, j'avais vraiment besoin de me recentrer sur ma musique, savoir vraiment ce que je voulais. L'idée du solo, c'était de me dire, je vais entendre des voix. Je vais entendre ce que je vais entendre, en fait, sans avoir justement l'accompagnement. Être seule, solo, guitare-voix, et me dire, tiens, j'ai besoin de ça. Le besoin, c'est de faire sentir de manière beaucoup plus... essentiel. Enfin voilà, je me suis dit je veux ça. J'ai commencé à entendre vraiment ce que je voulais pour m'accompagner. Et donc il y a une belle opportunité qu'on m'a offerte justement dans l'autre accompagnement qui est par le Combo 95. Là c'est tout le département 95 qui a un dispositif qui s'appelle le dispositif Starter. Et dans le cadre de ce dispositif, je pense, parce que c'était pas officiel, mais en tout cas j'ai une programmation le 21 juin pour la fête de la musique. Il y en a parlé, c'est qui, non ? Aujourd'hui, Rosie-Marie. Rosie-Marie, ouais, carrément. Voilà. Elle est en 95 aussi. Mais elle m'en a parlé qu'elle était dans ce projet, qu'elle avait déjà été dans ce projet-là. Ah, elle avait été soutenue par le starter. Oui. Ah, je savais même pas. Voilà, Rosie-Marie que j'ai rencontrée ce matin. Ok, excellent. Ah oui, j'ai oublié de te dire, Emmanuel Cadoret. Oui. Tu l'as rencontrée aussi. Et elle faisait la Manufacture Chanson. Oui, exactement. Elle a fait avec moi le VVCM, en fait. Avoir su, je lui en aurais parlé. Bah oui, c'est clair. Elle t'en a pas parlé, du coup. Oh, oui, elle m'en a parlé, mais elle aurait dû te nommer, mais elle t'a pas nommé. Ah, moi, je l'ai nommé, ce sera ça, noté. C'est 1-0. Hein. Emmanuel, 1-0. C'est ça, 1-0. mais c'est ça, c'est un petit groupe, un opuscule. À force, dans la chanson française, surtout, même si moi, je suis pas une française, en tout cas dans la chanson, c'est sûr qu'il y a un petit monde qui se dessine, acoustique, exactement. Ça, on finit par tous se rencontrer, c'est clair, dans les cafés-concerts, dans les lieux de représentation et tout, carrément. Et depuis cette année-là, tu t'es pas, comme je l'ai dit depuis tout à l'heure, tu t'es pas arrêté, mais avais-tu le goût de te poser? Oui, mais en fait, c'est ça le problème, c'est ce que je t'aurai à t'expliquer d'ailleurs, c'est qu'en fait, moi, le plan, normalement, pour 2018, c'était profiter de mes deux accompagnements pour justement sortir un disque. Okay. Je pensais me recentrer, poser et aller vers l'enregistrement. Mais là, sauf que, en fait, j'ai appris que la Manufacture Chanson, en fait, la formation accompagnement pouvait être valorisable en heures, qui pouvait être comptabilisée pour l'intermittence. Et quand j'ai vu que j'étais à 9 cachets, il me manquait très peu d'heures, je me suis dit, allez, je mets un... tant pis, je remets un petit coup pour essayer de trouver des dates pour avoir l'intermittence. C'est comme ça, l'année prochaine, je serai plus tranquille et je pourrai faire. Mais du coup, ça m'a mis dans cette course-là. Et du coup, je me suis pas posée. Non, mais en plus, tu vas avoir de l'argent, c'est mieux. Bah, je vais être un peu plus tranquille, ouais. Je vais être un peu plus, ça va être un meilleur climat. Tu vas gagner à peu près deux fois plus, donc c'est intéressant. Je vais quoi? Tu vas gagner deux fois plus. Ouais, ouais, exactement. Ah ouais, oui, carrément. Enfin, enfin. Non, ouais, du coup, ça va m'apporter cette tranquillité-là d'esprit. Et comme je disais, donc, grâce au Combo 95, on m'a offert une date, enfin on m'a proposé une date le 21 juin à Fête de la Musique, mais on m'a dit, ah le solo ça va être un peu ric-rac. Et donc j'ai dit, bah allez banco, je propose un duo, quoi. Ils avaient le budget, donc ça tombait bien pour prendre le duo. Et du coup j'ai créé un duo pour cette date en fait. Et grâce à cette rencontre avec un... Donc j'ai cherché un batteur, comme je te disais, je commençais à sentir mieux ce que je voulais. Du coup je suis allée chercher un batteur qui sait aussi faire des chœurs. Okay. Qui est percussionniste aussi et qui travaille aussi sur un pad, donc qui peut lancer des boules, qui peut lancer des choses, un univers peut-être un petit peu plus électro, mais léger quoi. Un peu, ouais. Ça peut se rapprocher de ça, ouais, à peu près. I swear I still can hear the rain on his way. I swear I still can see the bench where we stayed. But who was that kiss in the rain? Yes, who was that kiss? I swear I still can feel his hand in my hand. I swear I still can see the bench where we stayed. But who was that kiss in the rain? Yes, who was that kiss? Hello, kiss, hello, goodbye, goodbye. Hello to my sweet memory. Hello, kiss, hello, goodbye, goodbye. Hello to my sweet memories. Every rain brings me back to this rain. Every rain makes me happy, more insane. Cause who was that kiss in the rain? Yes, who was that kiss? Rénaldienne sur CKRL MF le 89.1 à Québec avec Reynald Gagné. Des choses parfois aussi tu décides pas forcément de comment tu diriges ça marche. Fonctionne pas et tu ça se ferme devant toi mais toi, au contraire c'est non c'est vrai que là en ce moment ça s'ouvre beaucoup quoi. Tu dois être quand même heureux, c'est clair. Je suis très heureuse, surtout que là justement j'ai repris plaisir à la scène en duo, c'est aussi vachement agréable après avoir longtemps été en solo. Là avec Florian Chouraki, il s'appelle, c'est vraiment un super batteur et qui a tout de suite vachement compris le projet, donc ça a été très fluide immédiatement. Mais là ça va commencer à devenir compliqué de trouver des dates puisque lui doit avoir bien sûr des occupations, d'autres groupes. Oui, alors forcément ça c'est bien sûr, le solo ça facilite au niveau budgétaire et au niveau effectivement organisation. Après c'est pour ça que j'y vais mollo, duo je pense que c'est envisageable encore de trouver assez facilement des créneaux. Tu vas peut-être faire une trentaine de spectacles par année avec le duo. Avec le duo peut-être pas tout de suite là, ça c'est sûr, je vais mixer les deux. Je vais essayer de... De toute façon, là, ça va être difficile de caser le duo pour le moment parce que j'ai même pas de vidéo pour montrer ce qu'on fait. Donc, il va falloir justement fin août, on va normalement enregistrer en vidéo justement deux morceaux, je pense. La vidéo avant le CD. Je pense. Pour montrer le live. C'est vrai que ce sont deux travaux, ce sont deux approches différentes finalement. Et début septembre, normalement, on va essayer de commencer à faire ce qu'on appelle des pré-prod. Commencer à faire les sortes des maquettes, de brouillons, des maquettes, du futur album. Qui sera sans doute plutôt un EP déjà pour commencer. 5-6 à peu près. Voilà, c'est ça. Mais durant ton année, tu as fait combien de concerts par curiosité? Alors, j'ai pas fait le compte là, hein, mais du coup, bah de toute façon, si, au moins trois fois c'est par semaine, facile. Bah, deux, trois fois par semaine. En moyenne, ça donne ça. Puisque, non, ceci dit, j'ai les 160 heures quand même, hein, donc j'ai 30, j'ai eu 31 cachets en fait depuis septembre. Okay. J'ai eu 31 cachets là. Sachant que le 31e était le 23 juin. Oui. Ah oui, oui. Et c'est là que... Tu... Et le premier était le 17 septembre. Mm. Et sachant qu'évidemment, hein, je ne fais pas que des dates déclarées, donc il y a eu aussi d'autres petits concerts qui se sont glissés au milieu, c'est clair. En dessous de la table, comme chez nous. Exactement. Oui. Ben, c'est mieux parce que ce n'est pas présenté aux impôts, donc c'est... Bon, c'est pas forcément rémunérateur, ceci dit, parfois c'est des showcases vraiment juste pour promouvoir le projet, ça peut être des coplateaux, juste pour participer. Pour... Et puis en moyenne, à peu près combien de spectacles? Juste par curiosité, une bonne centaine. Quoi, l'année? Oui. Là, cette année? Oui, ben depuis qu'on s'est vu, depuis juillet, là, ouais, en un an. Et du coup, oui, c'est vrai que... Parce que ben, ceci dit, moi, j'ai pas été très active en juillet-août. Hein. OK. Juillet, si, mais pas... T'es partie... Août, je suis partie, voilà. Je suis partie dans ma coquille. Je suis partie dans ma grotte. Oui, mais c'est ça, pour écrire. Mais non, je sais pas, j'arrive pas... Mais non, pas 100, je pense, peut-être 60, plutôt. 60, okay. 60, 70, peut-être. En comptant vraiment tout, quoi. Vraiment les petites transplantations, les petits machins, peut-être, ouais. J'ai pas fait le compte en fait, faudrait que je fasse le compte. Mais c'est quand même. Parce qu'il y a des scènes ouvertes aussi, tu vois, parfois pour rencontrer les gens aussi. Mais c'est quand même très formateur. C'est, Ah bah très, moi j'avais envie de toute façon. Mais je savais que j'en avais besoin. Mais dis-toi que quand tu vas en disquer, les chansons, tu les connais. Mais oui. Ça va coûter beaucoup moins cher dans la réalisation, tu vois, ça va coûter moins cher dans les studios. Bon, ah bah ça c'est clair, mais moi c'était mon plan. C'était ça. Et puis c'est surtout que j'ai vu beaucoup d'amis musiciens regretter d'avoir sorti leur disque trop tôt parce que ça finalement ça leur correspondait pas. Non. Moi maintenant j'ai rodé, je pense que ça va, je sais ce que je veux en fait, je vais savoir, voilà, je sais beaucoup mieux ce que je veux, ça c'est sûr et certain. Et sur quel, lorsque tu prends le crayon, qu'est-ce qui te fait réagir, qu'est-ce qui te fait prendre le crayon? Alors, Tu puises en toi ou tu puises chez les autres, en observant? J'ai eu de tout hein, pour ce qui la création. C'est souvent des états de tristesse hein, qui me chopent. Mais pas que. Justement, cet été, il y a une petite compo qui s'appelle Pas à Pas et qui est assez gaie sur la vie. Et justement, ce qui m'avait donné envie d'écrire, c'était un espèce d'élan de confiance à me dire bah, en fait, tout va bien se passer. Quoi, Une confiance dans la vie tout d'un coup. Vraiment un grand sentiment d'amour et de confiance. Et je me suis dit allez, ça va le faire. Aimons-nous les uns les autres. C'est ça. Il y a eu un truc assez puissant. Mais c'est souvent, bien sûr, c'est des émotions. C'est souvent des élans. Et tristesse amoureuse, pas tant. Okay. Non, moi c'est plutôt du vagalame. C'est plutôt un vagalame global. Je pense que je suis vachement là-dedans. Je suis un peu... je pense que je suis quelqu'un qui se pose beaucoup de questions. Bien sûr. Moi j'adore faire le clown, mais c'est clair que... À l'intérieur, c'est vrai. À l'intérieur, je me prends beaucoup la tête, je crois. Alors, avec raison ou pour quelquefois absolument rien, c'est toi qui te crée un peu ce... Ah, je pense que oui, c'est ce que je viens de dire, je me prends beaucoup la tête. Je pense que je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup, trop. Voilà. L'écriture, c'est une psychanalyse pour toi? Non, je pense que c'est plus un miroir. Je suis pas sûre que ça me soigne. Par contre, c'est sûr que ça me... Moi, ce que j'aime beaucoup faire, c'est que mes compos, je les réécris souvent dans les carnets, en fait. J'ai un carnet d'écriture et je les réécris. Et j'adore noter les dates et faire des liens avec des événements de ma vie. Et c'est vrai que ça me... Donc c'est vrai qu'en même temps, je suis en train de dire que oui, c'est une sorte de psy. Parce que c'est vrai que, quelque part, je vois ce que j'ai traversé. Ça me permet effectivement, bien sûr, de prendre du recul. Voir, tiens, bah, j'ai écrit ça à tel moment. Ah, puis après, il y a eu cette compo-là qui raconte ça. Effectivement, ça m'aide un peu à comprendre mes trajectoires, on va dire, mes trajectoires de vie. Mais là, c'est ce que je suis en train d'aborder cette année, c'est que j'ai beaucoup plus envie justement d'être moins sur moi, et d'être plus justement ouvert vers les autres, et de partager quelque chose de l'ordre de la joie plutôt que de la mélancolie et de la tristesse. Mais je pense que j'avais besoin de sortir ça. Il y avait un truc qui devait sortir de moi, je pense, à ce moment-là. Est-ce que les gens viennent te voir après un spectacle en disant « Hey, t'es une belle voix » Ah ben, il n'y a que ça, j'ai envie de te dire. Est-ce que ça te fait suer à long terme? Est-ce que ça te dérange? Ça me fait pas suer, c'est juste que des fois je me dis mince, est-ce que les gens écoutent mes textes? Ouais, c'est ça. Ça me fait douter, mais quoi qu'ils se laissent emporter par ta voix. Mais c'est ça, en même temps, je suis très touchée. Moi, ce qui me touche le plus souvent, c'est que les gens pleurent. Et là, pour moi, c'est gagné quelque part. J'adore faire pleurer les gens. Ah ouais, ok, un peu maso. Non, je rigole. Venez pleurer. C'est ça, venez pleurer. Non, mais c'est ce que je me dis, c'est que justement. Moi, je fais partie de ces gens-là, d'ailleurs, en tant que public, en tant qu'auditrice. Non, c'est que je vais pas forcément écouter le texte. Je suis plus touchée par la musique dans sa globalité. L'interprétation. Je ressens les émotions. Et ça m'intéresse beaucoup de ressentir ça. Et je suis pas forcément à rechercher le sens de ce qu'on cherche à me transmettre, en fait. Et je suis quand même assez intimement persuadée, et en même temps, vu que je mélange les langues, ce serait étrange que je sois pas persuadée de ça, mais je suis intimement persuadée qu'on peut passer justement un message avec la musique, rien qu'avec la musique, en fait. J'avais dû en parler aussi la dernière fois. Un solo de violon, un solo de piano, ça nous touche, hein, donc... Mais c'est vrai qu'il y a une catégorie de personnes qui attendent, quand il y a quelqu'un qui chante, on attend d'eux de comprendre leurs mots. Voilà, il y a des gens qui ont besoin de comprendre les mots. Mais j'ai autant de pubs. En fait, c'est marrant parce que j'ai vraiment, je pense que j'ai un 50-50. 50% de gens qui me disent c'est vachement mieux en anglais, tes balades elles sont magnifiques et tout, j'adore ta voix. Parce que ma voix n'est pas la même évidemment en fonction des langues, ça c'est sûr. Il y a des choses qui s'ouvrent, qui se placent différemment. Hein. C'est, ah bon, je vois la langue, c'est... Ah bah par exemple, l'espagnol c'est assez radical. L'espagnol ça m'ouvre tout. Voilà. L'anglais, j'imagine que ça se passe plus au niveau du nez, généralement ça se passe de manière plus nasale. Et le français, on le sait tous, hein. D'ailleurs tout le monde se moque de nous parce que c'est très fermé finalement le français. Donc c'est pas forcément ce qui me scie le plus. Et j'ai l'impression que les gens qui sont là plus pour écouter ma voix préfèrent l'anglais. Et les gens qui sont là évidemment, qui ont plus un rapport au texte, me disent mais pourquoi tu chantes en anglais, ce sera mieux tout en français. Mais moi je pense que j'ai envie de garder tout ça, les trois, voire quatre avec créole. Et pourquoi pas d'autres langues? Moi, j'ai envie, en fait, de... Pour moi, la musique, ça devrait permettre ça, en fait. C'est un autre langage, en fait. Donc, ça devrait permettre de se connecter. Même la musique, comme tu viens de dire, est un langage. Ben, c'est ça. Donc, on n'a pas tellement besoin. C'est pour ça que, moi, limite, la langue, je l'utilise vraiment juste pour sa musicalité, en fait. Moi, les mots, ils sont guidés par comment ça sonne. Ou « ah, on », voilà. « Ah, tiens, j'ai envie d'un petit L, alors qu'est-ce que je pourrais mettre là ?» As-tu des anecdotes, parce que tu as fait beaucoup, tu as fait à peu près 60 spectacles, des anecdotes qui te sont arrivées sur scène durant l'année? Alors sur scène, il y en a une pas très, okay, vas-y. Non, pas très glorieuse, mais bon, on va. Alors, comme moi, je ne suis pas hyper guitariste, hein, quelque part. Dans mon parcours, je suis plutôt chanteuse. Hein, tu es autodidacte. Guitariste, voilà, je suis autodidacte, donc on ne m'a jamais appris à expliquer vraiment ce qu'il faut faire, ne pas faire, etc. Donc ma guitare est électroacoustique, donc elle se branche et elle a besoin d'alimentation interne pour pouvoir être branchée. C'est-à-dire qu'elle n'est pas juste branchée par l'extérieur, il n'y a pas une prise électrique extérieure, il y a une pile à l'intérieur. Ah, je ne savais pas. Voilà, c'est pour ça que j'explique. Okay. Je savais qu'il y avait une pile, mais je ne savais pas à quelle fréquence la changer. Okay. Et le problème, c'est que tous les guitaristes savent... Est-ce que c'est une pile ronde comme une pile de monde? Non, c'est une pile carrée assez énorme. Okay. C'est les grosses piles carrées, enfin rectangulaires, perpendiculaires, n'importe quoi. Par l'épipède là. Ouais, des seuils. Voilà. Et en fait, en plein concert, au bout de deux morceaux, ma guitare qui lâche, j'ai plus de son en fait. Qu'est-ce que t'as fait? J'avais pas beaucoup le choix. Hein. Tout à coup, je sens que c'est bizarre parce que j'ai pas tout de suite. Tu sais, t'entends ton propre son, donc t'entends ta guitare quand même. Hein. Par contre, tu sens qu'il y a une grosse baisse de volume, donc tu te demandes ce qui se passe. C'était à Annecy. Et en fait, ce qui était étrange, c'est que j'avais fait mes balances et tout s'était très bien passé. Donc c'est vraiment panique à bord. Donc j'ai regardé l'ingé son. L'ingé son m'a regardé. On s'est regardé, on s'est dit, il se passe quoi et tout. Et il m'a fait signe, pile. Et j'ai fait. Ah oui, là, t'en c'est pas. Fort probable. En avais-tu? On va attendre un peu parce que c'est rare que ça fonctionne comme ça. Ça peut passer, mais là, non, ils abusent là. Non, regarde, on va laisser une chance. Le train va passer. Là. Après, il n'y aura plus qu'un dong à la tête. Mm-hmm. Swirling in the wind, I fall on my heart down to pieces. I can hear you sneer at the flight that leads me to tears. Waltzing with the clouds, I'm done with hiding me on the ground. I wanna forget. Pass over spouse. Oh, flying with the sun. The more will you touch my feathers, you'll be the first and last in time. That hurt me so much. I am calling you, don't know the love. It's not the way. innocence. He said you're alone here, so if you jump, you best jump far. Oh God, could it be the weather? Ces enfants, le réveil se fait lourd et incertain. Chaque pas traîne fuyant le lointain. Ailleurs il fait beau, et sous mon toit il pleure l'odéo. Je me noie dans la joie de mes mots. Je dépense à l'ombre des idéaux. Oh, comme les nuages sont bas encore ce soir. Traverserai-je sans encombre ce voyage, ou m'échouerai-je sans souffle sur le rivage? La lune se détourne, le bout de ce voile me laisse dans le noir de mes cauchemars. Derrière l'horizon, les piles et tristes mirages de ma vie, château de poussière, reste d'utopie, macabre ondulation de traces d'envie. Sous son grand manteau, le temps va de toutes mes fraîches années, seconde après seconde, tout est passé, ce que tu tiens va bientôt s'effriter. Les nuages sont bas encore ce soir. Traverserai-je sans encombre ce voyage, ou m'échouerai-je sans souffle sur le rivage? Oh, comme les nuages sont bas encore ce soir. La lune se détourne, le bout de ce voile me laisse dans le noir de mes cauchemars. Dehors, les oiseaux m'offrent leur toute dernière note d'espoir. Le soleil rougit fonce et se fait rare, et la nuit suit de tout près ses étoiles. Au-delà des mots, du savoir et de l'être, de la voix, je m'effondre tout au fond du noir de noir. Plus de temps pour remettre les trous d'art. Oh, comme les nuages sont bas encore ce soir. Traverserai-je sans encombre ce voyage, ou m'échouerai-je sans souffle sur le rivage? Oh, comme les nuages sont bas encore ce soir. La lune se détourne, le bout de ce voile me laisse dans le noir de mes cauchemars. Tu arrêtes la musique, tu arrêtes l'acteur. Ouais. J'aime bien continuer un petit peu. Ah oui, c'est vrai. C'est... À la voix. Parce que tu laisses la place à la voix, parce que tu laisses la place à la guitare. Ouais, voilà, c'est ça. Every finger in the room is pointing at me. I wanna spit in the face. Got enough guilt to stop my own religion.